fruits mûrs au soleil. Leur évangile, c'est de s'aimer, leur paradis, le sommeil. Personne ne se dépêche, on peut y vivre aisément. Pour quatre poissons que l'on pêche, c'est dix qu'on vous offre gentiment. L'ombre est si rare que le premier prend tout pour lui sans façon. Mais il vous offre une sieste dès qu'il vous a regardé. Ici, ça nous semble un peu leste. Là-bas, ça ne vient pas à l'idée. André Claveau avec du côté d'automne. Dans le jardin public, le vieux kiosque à musique ouvert à tous les vents pense aux neiges d'antan. On a mis des menottes aux balançoires vides et les chaises grelottent sous les feuilles humides. Mais vrai du petit soir, la rue chaude du soir se jette dans le métro, la bouche pleine de journaux. Automne à Paris, printemps dans les cœurs, les filles poussent comme des fleurs qui se balancent sur leur tige en sortant du métro. Et ça donne le vertige au badaud. Automne à Paris, printemps dans les cœurs, dans la nuit de la ville, le soleil du néon mûrit l'âge où les filles alanguit sur l'épaule des garçons. De cigarettes qui s'envolent au plafond, la pluie fait des claquettes dehors sur le balcon. Il y a des autos qui roulent dans les rues désertées, les souvenirs déroulent leurs bandes dessinées. Mais moi j'ai ton sourire et tes yeux qui chavirent, et ton corps contre moi, c'est les premiers lilas. Automne à Paris, chanson qui fleurit, quand je vois ton petit cœur qui se balade dans tes yeux, je respire comme une fleur, je le regarde comme un dieu qui fait peur. Automne à Paris, chanson qui fleurit au soleil de l'amour, les baisers sont des fruits que mordent tour à tour les amants sous la pluie, les amants de l'automne à Paris. Voici donc la

de carrefour. Il y a des gars, il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt disent tout pour des tout, disent tout. En Paris, en Paris, en Paris. Et donc voici donc Mathé Altéry, le titre s'appelle tout simplement Emmenez-moi danser. Emmenez-moi danser. C'est aussi ça. Voici donc il y a trois morceaux, disons deux morceaux d'accordéon et puis suivi un autre titre différent. Voici donc le premier, c'est du Paso Doble, un petit coup à Véro, et puis le deuxième, c'est du Zouk. à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Fenêtre sous les toits, j'entends monter du vieux bistrot qui est tout en bas. Une rumeur pleine de rire et de chansons, des polkas, piano là. Les jolies filles aux cheveux courts, aux talons longs, viennent chercher un petit béguin, un petit frisson. Le patron sert le muscadet dans des verres verts, un vin frais.

de l'automne sont habillés de roux. Ils dansent des farandoles et ont des airs très doux sur les zones rongées, vêtues de feuilles pâles. Les enfants font des rondes et oublient leur cartable. Les enfants de l'automne sont habillés de roux. En sortant de l'école, ils s'en vont faire les fous. Ils jouent à la marelle, aux plumes, aux osselets. Ils tirent les sonnettes, on voit là le pipelet. Là-haut, un cerf-volant, petit comme leur cœur, fait le beau fièrement, tout rouge de bonheur. Puis il faut repartir, traîner les rues jolies, où brillent dans le soir les vitrines qui rient. Puis il faut revenir, l'air sournois et soumis, chez les grands vieux parents, comme des petites souris. Les enfants de l'automne sont habillés de roux. Ils dansent des farandoles et ont des airs très doux. Et ont des airs très doux. Un amour de la femme. Voici donc les émissions juste après moi et ainsi que pour demain. Voilà donc, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission de Manuel avec l'émission Découverte. Et puis juste après, entre 19h jusqu'à 22h, avec Albino pour l'émission Marika. Et puis donc, demain samedi, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Portiane Noucorésien, avec Christine. Et donc, suivi aussi donc, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, Carla. Et puis, juste après, entre 16h jusqu'à 18h, ils sont deux avec Julien, Laurent et ainsi que pour l'émission. L'émission Nash Fanka. Voici donc Georges Guitari et puis son titre s'appelle tout simplement Toi mon cheval. Toi mon cheval, mon ami, mon copain, que j'ai trouvé sur mon chemin. On se comprend tous les deux, toi et moi. Et quand je fais presque à mi-voix, allez hop, vive comme l'éclair. Tu galopes, tu galopes, tu galopes à un train d'enfer. Il serait doux de partir au matin, seul avec toi, vers le lointain, et de dormir au hasard dans le foin. Toi, mon cheval, mon copain. Triste et solitaire, j'errai sur la terre, sans fin, sans but, sans raison. Par bonté sans doute, le ciel sur ma route mit un jour un compagnon. Toi, mon cheval, mon ami, mon copain, que j'ai trouvé sur mon chemin. Un sifflement, un geste du genou, cela suffit. Et tout à coup, allez hop, allez hop, allez hop, la crinière au vent. Tu galopes, tu galopes, tu galopes toujours de l'avant. Il serait doux de partir au matin, seul avec toi, vers le lointain, et de dormir au hasard dans le froid. Toi, mon cheval, mon copain, je garderai de toi, cher compagnon, un souvenir plein d'émotions. Car tu vaux mieux vraiment que les humains, toi, mon cheval, mon copain. Vous qui passez sans me voir avec Jean Sablon. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes, de pleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir? C'est ridicule, ces poèmes, ces jeunes et ces tristes aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir?

d'un Père Noël et toutes les puces d'un criminel. Au grand magasin du printemps, d'amour j'ai payé tout content. De droits flèches sur une arbalète et les plus beaux vers d'un grand poète. Puis la vendeuse de souvenirs et la manière de s'en servir. On a chanté pendant des soirs le foufou des robes calines et les balois que la jupe l'on devine. Mais il est subtil et distrait chez la femme un plus doux mystère et qui ferme le chemin secret. Elle a sa retière. Coquine, taquine, c'est le cercle enchanté au bord des voluptés. Promesse, d'ivresse qui ferme d'un éclair les douceurs de la chair. Barrière, frontière, que l'on en trouve un jour pour aller à l'amour. La jarretière est la dernière faveur avant le bonheur. Arc-en-ciel, un amour de FM. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Voilà donc le retour avec le passo.

soleil fredonne pendant que je suis sous un parasol. Sera mon porte-bonheur. Oula Paloma Blanca, c'est un bien joli surnom. Oula Paloma Blanca, je l'ai trouvé ma chanson, je l'entends déjà, bat avec ton cœur, toujours elle sera mon porte-bonheur. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Lynn Renaud et le titre Foufou. Foufou, foufou, par son jupon la femme. Foufou. De l'homme trouble l'âme. Foufou, foufou, certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le foufou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce foufou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise, il devient fou. Foufou, foufou, par son jupon la femme. Trouble l'âme, foufou, foufou, certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. En culotte me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette, mais moi je dis que sans foufou, une femme n'est pas complète. Lorsqu'on la voit se retrousser, son cotillon vous ensorcelle. Son froufrou, c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme. De l'homme trouble l'âme, foufou, foufou, certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. Illumine, oh la la la,

quand nos membres sont lourds. Au sein des draps froissés, nous restons enlacés après l'amour. Ombre du jour pour un amour de la femme. Voici donc quelques chansons portugaises et un petit coucou à Florian. Um abraço bem apertado. Amor, tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qu'elle s'appelle Joséphine Baker et le titre à Paris, Mes amours. Après Frida Bocara. Et ces larmes de pluie dansent tes mœurs sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi, mon ami. Verte campagne. Tu es loin, douce compagne de mon premier chagrin. Le temps s'efface pour moi, rien n'a changé. Deux bras m'enlacent parmi les champs de blé. Parle de toi, ma verte campagne, où je suis née, douce compagne.

suite des émissions pour le dimanche. Donc à partir de 8h jusqu'à 10h, pardon, vous allez retrouver tout simplement eh bien, l'émission de Antonio Mathieu, donc entre 10h jusqu'à. Non, entre 8h midi. Avec leur émission, tout simplement, Quentin Dougalo. Et puis juste après, jusqu'à 12h30, vous allez retrouver entre 10h et 12h30, le téléphone sonne. Donc c'est à vous de faire l'émission avec Lionel, Katia et Jérôme. Qui vient le chanteur tout simplement qui s'appelle Rudy Egoyen nous amène du côté du paradis avec le croisière paradis. Nous avions quitté un Paris tout gris, tout gris, tout gris. Ce n'est qu'en sortir de Valence que le mistral, fils de Provence, a balayé le ciel de plomb. Et le voyage changea de nom. Croisière au paradis, les portes du midi s'ouvrent pour nous et tout d'un coup splendide. Voici les oliviers, les pins et les mûriers, et les cigales ouvrent le bal d'un éternel été. Là-bas, voilà les montagnettes où jusqu'au clair matin a bondi dans le teint la chèvre à Monsieur Seguin. Ici, voici les sœurs cadettes, des belles moléros qui dansaient sur le pont. Chacun voudrait te voir durer, croisière au paradis. Blanti, sous l'aile d'une voile, mon corps contre mon corps, nous disions je t'adore au long des îles d'or. La nuit, enfilait une étoile, sur le sable soyeux, tourbillonne, tourbillonne, comme autant de regrets. Au lointain, la cloche tinte, et je songe à nos étreintes, à ces beaux jours sans crainte. On s'aimait, oui, on s'aimait. Un jour, tu repris ta route, dans un adieu éperdu, et depuis ce temps j'écoute monter les bruits inconnus.

m'apporter ce trésor. Mon cœur est pris depuis ce vin de minuit. Voici donc qui s'appelle lui, c'est tout simplement Ray Ventura avec la complainte des caleçons. Depuis que je suis dans la marine, à bord du paquebot Pompadour, j'en ai marre de la marine, je marronne et je pleure tous les jours. Moi qui ne rêvais qu'abordage, ciel nouveau, cyclone et orage, je suis à bord. Valet de chambre, alors de janvier à décembre, caleçons, chaussettes, souliers, gilets, chemises, je brosse, je repasse, je nettoie, je retouche, reprise, ça mène leur asthénise, j'avais rêvé la vie des marins, des tropiques aux banquises, d'Amérique et d'Asie au sable africain, Bordeaux, Tokyo, Valpa, Réseau, Venise, Congo, Porto, noix de coco, Rio, que la mer soit bleue ou grise, à fond de cale j'aurais parlé trousseau, quelles sont chaussettes, souliers, gilets, chemises. Aussi un jour à Buenos Aires, j'abandonnais la cargaison pour une fille de Madère que j'ai suivie dans sa maison. Mais moi qui rêvais aventure, dont José Carmen est luxure, je suis encore valet de chambre. Alors de janvier à décembre, quels sont chaussettes, souliers, gilets, chemises, je brosse, je repasse, je nettoie, je recouche, je reprise, ça me neurasthénise, j'avais rêvé la vie des châtelains, hélas qu'elle méprise, pas d'amour, pas d'amis, partout le dédain, Gabi de l'issue me martyrise, des imarinis n'y font faire leur lit, le patron me terrorise. M'occupe du linge des affranchis, quels sont chaussettes, souliers, gilets, chemises. Un amour de FM. Sur le chemin qui va de Saragosse à Bilbao, voici venir. Qui murmurait d'un ton redoutable, je vais m'arranger pour te faire croiser, c'est lui qui va te damner. Sur le chemin qui va de Saragosse à Bilbao, à quelques pas. Bientôt, douce et parfumée par le vent d'été, la plus jolie des bergères. Et Don Benito séduit aussitôt, en oubliant ses prières. s'arrêta et ouvrit la portière, le cœur en feu, mais ne vit pas ricaner par derrière le diable rieux. Mais en entendant le diable rire, Saint-Pierre voulut éviter le pire en faisant passer par ce lieu damné le plus beau des cavaliers sur le chemin qui va de Saragosse à Bilbao. Vint à son tour devant le vieux carrosse Juanito, jeune et séduisant, sur son cheval blanc et bien campé sur sa selle. Il dit, j'ai 20 ans et j'ai de l'argent, viens donc avec moi la belle. Sur son pur sang, il enleva la fille au grand galop. Et tout là-haut, de nouveau le ciel brille pour Benito. Voilà en deux mots l'histoire du très vieux carrosse. Voilà en deux mots l'histoire de Don Benito. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. voici donc le Madison.